Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le rédempteur qui se lève le dernier. Toi, les longues, à la mon aïe, au micro, t'es là. nani akufa bonga na zwa bongo ya sika nani amona pasi bonga na zwa ngolu nani azanga bonga na koma moto abozi nani nani nani yonde medecin specialista baka bato basala pe balemba Kisanga pena simba na koni Obongo la libanga pompi bato bato kape ba mela mai na desert Epana yo kutu monso ya nzete ebongo na emae Malgré tout, je reconnais que tu peux tout et que tes bontés ne sont pas à leur terme. Amen. Amen.